Mais qu'est-ce que j'entends? C'est le bruit des outils. Maintenant, c'est sûr, vous êtes bien arrivé devant les anciennes mines d'argent, l'un des trésors historiques de Mel. Exploitées dès l'époque carolingienne, notamment sous Charlemagne, ces mines ont joué un rôle majeur dans l'économie du royaume. L'argent extrait ici servait à fabriquer des monnaies royales, contribuant à la puissance et à la stabilité économique du territoire. Sous vos pieds, s'étend un vaste réseau de galeries creusées à la main. Les mineurs travaillaient dans des conditions difficiles, à la lumière des torches, dans un environnement étroit et humide. Ce site rappelle que Mel était un centre économique stratégique au Moyen Âge. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller faire la visite des mines d'argent. Après cette immersion souterraine, dirigez-vous petit à petit vers l'église Saint-Hilaire.